Le monument aux Enfers révolutionnaires que brillent à jamais les immortels exploits de direction est érigé au département de la sécurité du peuple de la ville de Nampo. Les établissements de la sécurité du peuple de la ville sont marqués de la direction des grands hommes d'Actusan. Le service de dévoilement a eu lieu le 25 août.